قال يا شيخ ما حكم من يلتمس الأعذار للخوارج الذين يقتلون المسلمين ويفسدون المال والنفس مثل ابن لادن يلتمسون الأعذار لهم ما حكم هؤلاء؟ هؤلاء ضلال مثلهم الذين يلتمسون لهؤلاء الأعذار، هؤلاء يعتبرون متعاطبين مع أهل الضلال وهم ضلال مثلهم برأيك. أو شيخ، what is the ruling about those people who make excuses for the Khawarij, those who kill the Muslims and cause corruption to people's property? They destroy people's property and destroy people's, they kill the people, such as Ibn Laden. Then the Sheikh said, the people who find excuse for them, make excuses for them, give them excuse, then they are just like them. They are just the same as them. The ones who make the excuses for them are just like the people who do those things. They are misguided, they are people astray, just the same as them. Du jugement de celui qui cherche des excuses au Khawarij. Par Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, Mufti du sud de l'Arabie Saoudite, Rahimahullah. Le questionneur. Il y a une question. Ô Cheikh, quel est le jugement de ceux qui veulent trouver des excuses aux Khawarij, qui tuent les musulmans et détruisent les biens et les vies, comme Ibn Laden? Ils leur cherchent des excuses. Quel est le jugement de ces gens? Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, ceux-ci sont des égarés comme eux. Ceux qui cherchent des excuses à ces gens sont considérés comme des sympathisants de personnes égarées. Alors, ce sont des égarés tout comme eux, dans mon opinion.